Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Magic System. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, Magic System, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée, la quatrième de cette semaine, dernière semaine de la saison pour Planet Rap avec le Magic System. Comment ça va, messieurs? Ça va, ça va. Bon, il en manque un. Ouais. C'est celui qui parle le plus généralement. Ouais. Donc, vous allez pouvoir vous déchaîner comme il est pas là. Vous allez pouvoir sortir les dossiers sur Asalfo qui est pas là. C'est enfin la revanche du Magic System. On va essayer. Bon, tout va bien? Ça va très bien. Radio Africa est dans les bacs depuis une bonne quinzaine de jours maintenant. Ouais. On l'a dit depuis le début de semaine, c'est une reprise, c'est des morceaux cultes de la musique africaine. Oui, c'est des morceaux cultes, c'est des morceaux qui nous ont bercés depuis qu'on était petit. Et voilà, c'était quand même difficile de faire un choix, mais on a pu choisir. Bah ouais, parce qu'en plus, il n'y a que 12 morceaux, donc ouais, on se dit, ça a quand même dû être une frustration quand même l'album. Ouais. Non, mais c'est pas grave, il y aura Radio Africa 2. Ah voilà. Voilà, vous pouvez aller jusqu'au 10e, 15e, 20e volume. Il y a quelques morceaux à pouvoir réenregistrer. On l'a dit aussi, c'est donc des morceaux qui ont été réenregistrés, qui sont aussi adaptés un peu à l'air du temps. Il y a des choses qui changent sur cet album. Ben, c'est des chansons des morceaux qu'on connaît depuis l'enfance. Et en plus, c'est des chansons qui sont restées dans nos cœurs. Et c'est des chanteurs qu'on a aimés aussi depuis l'enfance. Bon, ils ont tous écouté, enfin ceux qui sont encore en vie, est-ce qu'ils ont tous écouté le projet? Oui, la plupart, ils ont écouté. Ils ont donné leur avis et ils sont tous satisfaits. Donc c'est validé. On peut y aller, on peut balancer le premier morceau, Enjaillé, c'est parti? Y'a pas de soucis. Allez, Magic System, Enjaillé, c'est extrait de Radio Africa. On a tous Enjaillé, on a tous Enjaillé. On va bien s'enjailler là, on va bien s'enjailler. Oh la calamale, oh la calamale. Quel coffre, messieurs. C'est ça qui est la vérité. Akubayo. Même j'ai appris le cri de guerre de Magic System. Avec nous toute la semaine entre 20 et 21. Donc ce morceau qui s'appelle Enjaillé, qui est une reprise de Salif Keita. Voilà. pendant que le quatrième membre de Magic System. Non, il faut que tu ressors parce qu'on n'a même pas eu le temps de sortir les dossiers sur toi. Ah, ça, le faux qui fait son entrée, comment ça va? Ça va très bien, frère, et toi? C'est dommage, hein, les gars, on était bien partis. Hein. Ah oui, hein. Ouais, j'ai mis ce putain dans la voiture. Voilà. On allait sortir les dossiers après le morceau en jaillet, là, tout de suite. Parce que c'est vrai que c'est ce que je disais, c'est vrai que principalement dans les interviews, tu parles beaucoup, c'est ouais. Toi qui es présent quand même. C'est ça. Bah, un peu le leader du groupe aussi. C'est ça, exactement. Et donc, je me disais, attends, aux trois autres, un peu de réagir, quoi. Sortir les dossiers du Magic System. Mais ça me faisait plaisir de les entendre à la radio, parce que quand je suis là, ils jouent le paresseux. Je savais pas qu'ils parlaient. Sans moi. Ça s'est défini comment d'ailleurs l'ordre? Il y a eu un ordre dans le groupe où tu t'es dit voilà, à un moment sur les interviews je vais un peu plus répondre, ou ça s'est fait naturellement en fait? Non, vous savez, je suis en quelque sorte le grand frère du groupe. Et puis depuis tout petit, les gars ils m'ont toujours mis devant pour parler en leur nom, pour parler au nom du groupe en tant que chef et défendre tous les projets que nous menons. Ce qui fait que depuis 18-19 ans, je suis toujours devant pour défendre tous les projets de groupe. Mais il faut dire la vérité, c'est quelqu'un qui parle bien. Il faut le reconnaître, il parle très bien. C'est l'homme politique. Voilà. on sait qu'un jour ou l'autre, il sera président de la Côte d'Ivoire. Un jour ou l'autre. Un destin à Barack Obama. Laisse-moi président de Magic System, c'est bien. Ouais. Ça suffit, t'as pas d'autres ambitions Non, moi je veux bien dormir la nuit. Hein. Ouais. Voilà. Tu veux pas d'un moment Je veux pas de se cerner. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ah, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? L'homme le plus dans la merde actuellement, il s'appelle Alexis Tsipras. Tsipras. Ouais. Pourtant, il est quand même le premier ministre grec, quoi. Ouais. Ça veut dire que nous, cette liberté qu'on a, il y a des gens qui ont des postes, qui ont des milliards, qui n'ont pas cette liberté. Nous, on est bien là où donc t'es bien, ouais. Il y a pas même dans le groupe, il y a pas une tentative de soulèvement dans le groupe. Non, pas du tout. Ah non. Parce qu'on peut dire après 19 ou 20 ans et puis c'est normal aussi. La place est là, hein. Il faut de l'alternance. Mais en Afrique, vous savez que nous on modifie la constitution. C'est vrai que ça peut changer. Bon, tiens, j'ai l'impression qu'en France ça peut se faire aussi. C'est plus discret, mais ça se fait aussi, hein. Ça là-dessus, quand t'as le pouvoir, t'as pas envie de le quitter forcément, en fait. Tu vois. Il y a quelques similitudes quand même. Hein. Non, je disais un petit mot, c'est vrai qu'il y a 19-20 ans de groupe, il y a forcément aussi des moments où ça s'engueule un peu dans le groupe, il y a pas que des... Oui, ça, c'est des choses qui arrivent, non? C'est quoi, ça part souvent d'un désaccord musical de... Non, souvent c'est quand peut-être que quelqu'un vient en retard, parce que vous venez en retard en émission, voilà, il connaît déjà l'heure. Et une vient manière retard, de dire voilà. Que ça va chauffer tout à l'heure après l'émission. C'est une manière de dire que pendant le prochain morceau... Ça va être chaud là, pendant la pause. Pendant la pause, ça va être dur. Non mais c'est sûr, voilà, 19-20 ans de... c'est comme un couple, il y a des moments super bien, des moments moins bien. C'est surtout une belle aventure. Et puis quand on trace un chemin ensemble, on se dit on a bâti quelque chose ensemble et il faudrait qu'on reste sur cette même idée. Et ça amène, quelles que soient les altercations, on a envie de se dire il faudrait que notre passé, il faudrait que notre vue commune prenne le dessus. Et on est une famille, en dehors de nos familles biologiques, nous sommes une autre famille. Voilà, bah, vous êtes tout le temps ensemble. En même temps, il y a les tournées, il y a les albums à faire, voilà. les différents projets. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas les mêmes goûts pour les femmes, donc il n'y a pas d'altercation. Ah ouais, vraiment? Chacun des critères particuliers. Chacun ses critères. Bah tant mieux en même temps. Hein. Ah ouais, je vais te dire au moins déjà un premier truc, parce que ça, ça peut être le début du bordel. Ah oui, c'est vrai. L'argent et la femme, il faut faire attention. Ça, c'est un conseil qu'on donne à tous les groupes. Vous avez bien entendu les filles. Ah ouais. Ne traînez pas près des groupes. Ouais, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on a dit comme morceau d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on met de Radio Africa? On était parti sur quoi? Nous pas bouger, non? Nous pas bouger, ouais. Sur Skyrock, c'est un morceau lancé, une reprise de... De Salif Keïta. Salif Keïta. Ouais. Un morceau pareil qui vous tenait à cœur. C'est ça, ouais. Si nous tenait à cœur et qui est d'actualité, parce qu'à l'époque où il chantait, on parlait d'immigration. Et je crois que l'actualité encore aujourd'hui en France, c'est l'immigration. Et dans ce Oui, on approche des élections, donc là on est parti, à mon avis. Identité, immigration, ça va être. L'immigration. On va en bouffer pendant 2 ans encore, là. C'est un plan de campagne pour tout le monde et surtout pour le FN, quoi. Voilà. Ouais, malheureusement. Allez, on balance le morceau, nous pas bouger. Allez, avait chanté. On est chaque manade. Toi, faut pas bouger, pas bouger, mon ami. On est là, mon ami. Allez, on ne va pas s'en aller. On va pas s'arrêter là, pas vous abandonner. Faut rester solidaire. Souvenez-vous de ça. Nous pas bouger à l'instant, donc ça aussi c'est un des gros morceaux, hein. Salif Keita celui-ci. Nous pas bouger, c'est ce qu'on écoutait à l'instant, le Magic System entre 20h et 21h sur Skyrock. Magic System au grand complet ce soir, une fois de plus, dans l'émission avec des extraits d'albums. Vous ferez du live aussi, hein, tout à l'heure. Yes. Ouais. Du vrai live. Du vrai live. Yeah. Du vrai live. On sait pas encore quel morceau, on va réfléchir à ça. Ouais, bah bouger, bouger par exemple. Ah, bah nous pas bouger, bouger, bouger. Voilà, il faut répondre à nous pas bouger. Nous pas bouger. Non mais nous pas bouger, c'est vrai, revenons quand même deux secondes, tu disais c'est un morceau aussi, voilà, avec une substance politique aussi dessus, hein, ah, très oui, important. Ah oui, c'est d'actualité. Aujourd'hui quand on parle d'immigration, nous sommes tous concernés. C'est vrai qu'à l'époque on a parlé d'immigration choisie et tout. Mais nous sommes là aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes de la diaspora. Et quand on parle d'immigration, ça nous touche directement. Et ce qui fait le plus mal, c'est nos enfants, parce que c'est eux qui sont en quelque sorte indexés. Nous, on s'en fout. Nous, on est venus d'Afrique, on est venus faire notre petit bonhomme de chemin dans et notre carrière. Vous avez senti justement que la France changeait, bougeait, ah, ou oui, sur ces 15-20 dernières années? Oui, ce n'est plus la France d'avant, ce n'est plus la France de toutes les couleurs dont on parlait, ce n'est plus cette France-là qui, à bras ouverts, accueillait les étrangers et tout ça. Aujourd'hui, c'est une France. Mais même divisée. Vous, en tant qu'artiste, vous le sentez ah oui, parfois aujourd'hui, même en tant qu'artiste, nous on a vécu une expérience l'année dernière avec Mamadou, quand on a chanté Mamadou avec Dérision. Mais c'était, la France est tellement tendue aujourd'hui que souvent même ce qui passait avant comme de la dérision et tout est devenu quelque chose à débat Tout est suspect, quoi. Tout est suspect, les gens sont devenus un peu méfiants, les gens sont devenus un peu belliqueux. Le moindre geste, voilà, on met le doigt sur l'immigration. On a reçu pas mal de messages aussi de racisme. Des gens très sympas, ouais. De toute façon, derrière l'écran, c'est toujours plus sympa. Voilà. Les gens derrière les écrans, bon, qui se permettent de dire des choses, même bon, positives avec, quoi. Et puis, bon. Heureusement que tout le monde n'est pas comme ça. Bah, on le sent en plus d'ailleurs dans les concerts Magic System. C'est vrai que c'est un public, voilà, pour le coup, on parlait de cette France qui existe. Parce qu'on en parle peut-être un petit peu moins, mais pour moi, elle existe toujours, cette France multiculturelle. Alors, c'est vrai qu'on aime bien montrer ce qui va pas. Ouais. On aime bien chauffer les gens les uns contre les autres. Mm-hmm. Mais on le voit pendant vos concerts. Voilà, pendant nos concerts, je dirais qu'il y a 90% de blanc, entre guillemets, si je peux le dire. Bah, oui, pourquoi tout devient suspect. Ah bon, tu n'as pas le droit de dire blanc. Tout devient suspect. On va se faire attaquer par le gang des blancs. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous, on nous dit le black et on accepte. Et bien sûr, si faut arrêter. Si on dit le blanc, il faut accepter. Malheureusement, c'est par les couleurs maintenant qu'on distingue. Ouais. On ne parle plus de valeurs. Et ça, c'est un peu désolant pour voilà, pour le monde, parce qu'on ne peut pas parler d'union, on ne peut pas parler d'unité, on ne peut pas parler des Nations Unies, et que ce soit seulement que des thèmes politiques, et que sur le terrain, c'est pas pareil, quoi. C'est pour ça qu'il faut aller voir Magic System en concert. Quand vous y allez, là, il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus de religion, il n'y a plus. Non, tout le monde est ensemble, tout le monde fait la fête ensemble. Ouais, tout le monde fait la fête. Ouais. Mais c'est ça, hein, on va chanter d'Abidjan à Dakar, de Dakar à Bordeaux. Abrio, on va débrouiller. Kaleloulouza, Antewe. Magic System, qui dit mieux? Voilà. Et voilà, et comme ça, Magic System, qui dit mieux pour faire la fête et tous unis. Et c'est vrai que c'est une belle leçon à chaque fois, en tout cas, quand vous êtes en concert, voilà, de tolérance, de vivre ensemble, etc. Mm-hmm. On va revenir dans quelques minutes. Bougez pas, c'est le retour de Magic System avec des extraits encore. Qu'est-ce qu'on mettra comme extrait de Radio Africa ce soir? J'ai pensé à Soulard parce qu'on l'avait joué avant-hier. On l'a fait hier. Les gens nous ont appelé pour dire. Il faut le remettre. Il faut le remettre, je vous avais prévenu. Eh ben, ne bougez pas, Soulard, ça arrive aussi dans un instant après ça. L'émission rap de référence. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. C'est Planet Rap sur Skyrock. Let's go. Ce soir, Planet Rap Magic System. Hey. Planet Rap. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Magic System pendant une heure complète. Ce soir, Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap Magic System. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap, Radio Africa, le nouveau projet des Magic System qui est dans les bacs, qui est pour vous à choper aussi tous les soirs entre 20h et 21h. Dans un instant, il y aura le freestyle par téléphone et on avait promis juste avant la pub un morceau, donc un morceau qui s'appelle Soulard. Soulard. Pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, est-ce qu'on peut avoir l'explication de ce morceau, d'où il vient? Non, Soulard, c'est un père de famille qui, à travers une chanson, essaie d'expliquer aux gens que lui n'est pas Soulard, lui, il essaie de prendre la vie du bon côté, il essaie de s'amuser et que lui... Il ne laisse passer aucune marque de boisson. Toutes les marques de boisson qui peuvent le faire oublier ses problèmes, il est dedans. Donc il dit, il boit tout. Il boit du Kutuku, du Kenju. Ça, c'est des marques africaines, ça. Mmh. Et dans la chanson... Rien que dit, ça me fait rêver. Ah ouais. Rien que les noms me font rêver. D'accord. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Moi je bois pas, moi je provoque personne. Quand le vin rouge a rougi mes yeux, je n'attends que la mort. Quand le vin de palme a rougi mes lèvres, je n'attends que la bagarre. Il faut mettre. Allez, pour la suite. Yeah. À l'instant, donc, ce morceau, Soulard, morceau qui a été enregistré la première fois par Zao. Ouais. Ouais, Zao avec Z-A-O. Ouais, c'est... Voilà, il faut préciser. C'est... Z-A-O. C'est... Oui, c'est pas Zao la chanteuse. Non, hein, non, non, non, non. C'est pas Zao la chanteuse. C'est un autre Zao. Bon, par coïncidence, Zao que... Mais un petit mot, qui nous dit un petit mot par contre sur Zao, présentation de Zao qui a fait ce morceau Soulard. Zao, c'est l'un des rares artistes africains qui savait dépeindre le fait de la société à travers les chansons. Il peut parler, tantôt il peut parler du Soulard, tantôt il peut parler de, du moustique, tantôt il peut parler de l'ancien combattant. D'ailleurs, on a fait un titre ancien combattant, on a repris Zao aussi. Et ça fait que pour nous, c'est celui qui a su dépeindre la société à travers ses chansons, avec dérision et tout ça. Donc, on a du respect pour. C'est quelqu'un qui a marqué, je ne sais pas si vous le savez aussi, parce que je disais une de ses interviews il y a quelques mois de cela, Stromae aussi, Stromae. Oui. Qui a été marqué aussi par Zao, justement, il le cite comme référence musicale de ce qu'il a écouté. Ah ben aussi. Oui, les gens, aujourd'hui, la nouvelle génération ne connaît pas Zao. On ne dira pas que nous, on est vieux non plus, mais nous, on a eu la chance à d'avoir vécu enfance, un peu. À notre enfance, d'écouter ça avec nos parents, de danser. Et franchement, ceux qui écouteront Zao sur le Soulard. La version originale, ouais, n'hésitez pas à aller cliquer. Ouais. Il faut aller cliquer et vous allez voir d'autres chansons de Zao qui dépeignent la société. Et c'est un bonheur. Et jusqu'aujourd'hui encore, on le voit sur des scènes qui défoulaient. Il faut surtout, je vous conseille d'écouter Ancien Combattant. Ancien Combattant, ouais, qui fait partie de, bah, y a de celui-ci, il y a Soulard. Il y a Soulard, il y a Ancien, puisqu'on a deux CD au fait. Mm-hmm. Bon, c'est pas bon de le dire, mais je le dis. On a deux CD. Il y a un CD de 12 titres et il y a un CD de 14 titres. Mais il est où ? Le CD de 14 titres, on est en partenariat avec une grande marque de la place, un grand magasin de la place, je ne citerai pas le nom. Et ce magasin vend des CD de 14 titres. Et sur ces 14 titres, on a Amulanga et Ancien Combattant de Zao en bonus. D'accord. Mais ça, c'est un contrat avec. Voilà. Avec une grande marque. Avec une grande marque. Qui voilà. Distribue. Qui distribue. Les voilà. Autres titres. Voilà. Qui bah, c'est une façon aussi de continuer à vendre de la musique, parce qu'on sait que c'est. c'est pas le moment. Sinon, plus l'album, évident. À la base, c'était 12 titres qu'on avait décidé. C'est la grande marque qui est arrivée. Et nous, on veut un album de 14 titres. Les deux autres titres, nous prenons ça en exclusivité. C'est très bien en même temps. C'est pourquoi on dit il les choses. Il y a le show et il y a le business. qui n'hésite pas à venir d'ailleurs. Il voilà. A proposé, mais maintenant, peut-être à enregistrer 25 morceaux, non, qui voilà. Sont en attente. Mais on attend. Le Magic System avec nous entre 20 et 21. Dans un instant, il y aura du live. MLK de Bagneux est là par freestyle. Téléphone, allô MLK. Yes, salut. Comment ça va, MLK? Super, et toi? Bah écoute, en pleine forme avec le Magic System. T'es prêt à rapper dans l'émission? Ouais, prêt, pareil. Et bon, on y va, session freestyle, c'est parti. Ok. Yeah. Yo, MLK, M-Bass, Luther King. Yo. Face caché, volume 1. Face caché, volume 2. Suite Element Family. Yeah. Ça fait. J'ai l'habitude de me donner quatre phases des shows. Parce que l'habitude de voir que des gars cassent les côtes. Dès les quatre premières phases, man, c'est chaud. Dès les quatre premières, fan black, ça cause. En effet, tes gars stagnent trop. Man, détrompe-toi, je ne jactape, je pose. Dans Paris, je suis ce petit pack-pack qui vend tout un tas de phases cachées dans son cartable mauve. Yo, pas de blague, je dose. Dans 10 ans encore, tu me verras squat la chauffe. Je gratte et je tape, et puis les man croient que je mens. Mais je n'arrêterai pas le rap après 3 stades de France. Moi, j'espère devenir un expert. J'assombris la caisse claire en un claquement de phase. Laisse frère, je sais ce que t'espères. Mais je sais que tu perds même si tu claques 30 phases. Dans le rap, moi j'ai grave donné. Ouais, dans tous les cas, je devrais charbonner. Mais j'ai jamais voulu taf et je voulais le bac, finir dans les bacs. Et là, je suis grave paumé. Merde, grave paumé comme ce petit homme calme qui se cale dans la fosse aux alcools. Les polygames rejettent la faute aux femmes. Comme si le fait que la rue se batte était faute à Capcom. Frère, comme Jack numéro 1, comme Jackson Mike, je veux le million d'albums. Comme Dark Vador, All Black, comme Don Juan, on est calé entouré de sales connes. Yeah. MLK, MLK d'ailleurs. Bravo. Bravo, du côté de Bagneux en freestyle. Merci beaucoup. Petite dédicace, petit message à passer. On t'écoute. Ouais, bah vous pouvez me retrouver sur Twitter, c'est Lulu-8 alias MLK. Sur Facebook, c'est juste MLK. Et suivez aussi ma team sur Facebook, c'est Street Element Family. Très bien, bah on ira faire un tour. Merci à toi, MLK. De rien. Et passe de bonnes vacances si t'es en vacances. Si et carte. Bravo. Hein. Et bravo. Merci, merci. Quelques petites dates aussi à filer, hein, parce que le Magic System, durant cet été, on vous retrouve un petit peu partout. Oui. Le 25 déjà, on avance. Avance dans le 06. Pour la nuit des 20, dans le 06. Le 11, on est à Berck-sur-Mer. Le 1er août. On est à Berck-sur-Mer. Le 2 août, on a Vailly-Saint-André ou sur André. C'est sur André. Hein, ouais. Après, on a Charnisé. Le 22 août. Et le 29, on est à Namur. Ça, c'est en Belgique. Avec Ayam. Ça me rappelle quelque chose. Hier, j'écrivais sur la page de Magic System que Soprano était le rappeur le plus marseillais de tous les rappeurs. Et il y a quelqu'un qui m'a interpellé et qui m'a dit « Qu'est-ce que tu dis des Ayam ?» J'ai dit « Non, Ayam, c'est en Afrique, on les appelle les Doya, les Doyens. Voilà. » Alors, j'ai la bonne prononciation puisqu'on vient de me le donner dans l'oreillette. Oui. Merci, Bernie. Donc, le 2 août, c'est Vailly sur Audre. Ah, Vailly sur Audre. Ok, c'est... d'accord. Mon nom, on l'a dit sur André. Ouais. Voilà. Chacun est sur qui il veut. Hein. Le 6 Vailly, septembre. Vailly, en tout cas, est sur Audre. Hein. Voilà. Et pour vous, ce sera le 2 août. Le 6 septembre, on est au festival. À Mouillon. Ouais, c'est le nom de ville que je ne maîtrise pas. C'est à la après sur André, vous serez à Mouilleron. Festival. Festival. Et Mouilleron. Bon, nous on vient chauffer parce que je vois Mouilleron. Ah bah Mouilleron. À Mouilleron. Ça va chauffer dur, les gars. Hein. Et le Sirocco. A priori, donc c'est près de la Roche-sur-Yon. Hein. Je dis voilà, ça pour nos amis les Mouilleronnes et les Mouillerons qui nous écoutent. Et en octobre, c'est le Sirocco. Le Havre. Ben, à la fin, je crois que Bernie, qui est le tour manager, va refaire toute la liste parce que là, nous, on a cafouillé, on a un peu cafouillé là. Parce que je ne sais même plus. Bah, Mouilleron. En même temps, vous allez dans des endroits où vous n'allez pas vous emmerder, bande de salons. Ah, vous devez bien. Après Oru, cette semaine, il y a pas mal de surprises qui nous attendent. Ah, mais c'est une belle. En tout cas, allez voir Magic System hein, près de chez vous. Et désolé pour les noms qu'on a écorchés, parce que je sais pas plus quoi. On habite dans une ville, généralement, t'aimes pas trop qu'on est cher. Mais bon, vous les cherchez aussi, habiter Mouilleron, merde quoi. Voilà. Bon, Magic System avec nous entre 20 et 21. Peut-être avant de passer au live, mettre un morceau de Radio Africa, non? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais est-ce qu'on a, on peut pas faire écouter César et Ivoria aussi? Ah, hein? Madame? Non, manger crassi. Manger crassi? Ouais. Ah ouais, manger crassi, ça peut faire quelque chose. Ouais. Hein? Bon, on va faire quand même un clin d'œil à la communauté capverdienne. D'accord, on va partir avec. Bon, on peut le mettre après. On peut... Voilà. On va écouter Soudad. C'est du portugais. Soudad, Magic System qui chante du ça, c'est, alors, portugais. Ça, c'est un classique parmi les classiques. Et puis, on rend hommage à César et à Ivoria. Mmh. C'est ça qui est la vérité. Allez, on l'écoute maintenant. Soda, soda, destin de la. Sodade à l'instant, magnifique morceau. Hein. Ah, une ouais. belle reprise aussi celui-ci. Ah, ouais, Césaria Ivorin. Vous les rencontrez ou pas dans votre carrière, Césaria Ivorin? Mais si. La dernière fois, je crois que c'était à l'un de ses derniers concerts avant son décès. On s'est rencontrés au festival Couleur Café à Bruxelles. Mmh. On était dans le même hôtel, on l'a vu, elle était toute fatiguée. Mais c'est quand même quelqu'un qu'on doit être fier d'avoir rencontré parce que elle dégageait quelque chose. Et puis Césaria Ivoria, c'est quand même le symbole de la persévérance. Hein. Parce que quand on voit l'âge auquel elle a connu son succès. Mmh. Très tard, ouais. C'est très tard. Tu te dis, c'est vraiment, elle a cru en ce qu'elle faisait, elle a aimé ce qu'elle faisait. Et elle a connu son succès en tant que grand-mère. Et nous, lui rendons hommage à travers cette chanson. Et puis elle était jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Même je sais qu'il y a des moments sur scène de ce que j'entendais, c'était très compliqué, chaud. Ah, oui. Mais elle a toujours été, quoi. Ah oui, la dernière fois qu'on la voyait, elle ne savait même pas où était l'ascenseur. Elle était fatiguée. C'était un peu compliqué quand même. Et c'est vrai que c'est des gens comme ça, d'un seul coup, tu les vois sur scène et bam, il se passe un truc. Oui. C'est incroyable. Oui, incroyable. Comme Myriam Makeba, qui est décédée juste après son concert, un concert en Italie. Juste après, ça, c'est ce qu'on appelle mourir sur le champ de combat. Ouais, mourir sur le champ de combat. C'est ça. Bon, c'est un beau champ de combat, on va dire. Ouais, c'est un beau champ de combat. C'est un des champs de combat les plus respectables. Ah oui. Magic System avec nous, est-ce que vous êtes prêts maintenant pour un petit peu de live, le Magic System? Yeah, Magic System, est-ce qu'on peut y aller? On y va! Est-ce qu'on peut. On se replonge sur quoi? Sur un des classiques de Magic System? Tu es fou, vous bougez, ça dépend. On prend quoi, les gars? Tu es fou. Allez, coup d'envoi live maintenant du Magic System. Magic System! Ah ouais! Avec Fred Moussa! Yeah! Yeah! Yeah. Nous aussi, on est fou! Hey! Moussana! Yeah, yeah, yeah. Oublie tes problèmes et ton stress! Yeah! Yeah! Faut jamais baisser les bras! Donne-toi la force d'aller plus loin! Yeah! Yeah! Yeah! Il est temps pour toi de bouger! C'est parti pour durer. Tu es fou, nous aussi on est fou. On va déconner, oh. On va s'enjailler, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tu es fou, nous aussi on est fou. On va déconner, oh. On va s'enjailler, oh. Motive-toi, cesse de pleurer. Dis-toi, rien ne peut te stopper. Tu as le monde à tes pieds. Alors ensemble, on va danser pour oublier tous nos ennuis. Qu'est-ce que tu attends, viens, on va chanter. C'est parti pour durer. Tu es fou. Veni, veni na muna content, content, content na muna sauté, sauté, sauté na muna, hey, sauté na muna, hey, sauté na muna, hey, sauté na muna, hey, sauté na muna, sauté na muna, sauté na muna, sauté na muna. Fou à l'instant, le Magic System en live. Tu es fou. À pas louper près de chez vous en concert, on le disait tout à l'heure pour le Magic System. Radio Africa, c'est aussi dans les bacs. Et on se quitte avec un dernier morceau. Alors qu'est-ce qu'on met? On met le Enjaillé pour se quitter ou on avait parlé aussi, on le garde pour demain peut-être? Ouais, demain, mais Enjaillé pour quitter. Parce que Enjaillé, c'est ça. Tellement c'est Enjaillé, c'est ça qui est la vérité. Et on s'enjaille. Allez, on s'enjaille. Avec le Magic System. On est tous enjaillés. On va bien s'enjailler là, on va bien s'enjailler. Oh la calamale, oh la calamale. Jaillet à l'instant, le morceau qu'on retrouve sur Radio Africa du Magic System avec nous entre 20h et 21h. Merci encore pour cette belle soirée, Magic System. Merci, merci et puis merci. Rendez-vous demain. Demain, ce sera déjà la dernière. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Mais pour mieux revenir plus tard et puis pour mieux aller près de chez vous, puisque le Magic System débarque en tournée, on vous refilera les dates où tu veux les refiler maintenant. Tu aimes le risque. Alors, le 25 juillet à Vence, dans les nuits du Sud, le 1er août à Berck-sur-Mer. Le 2 août à Vaillé, sous André, sur Audre. Sous Audre. Non, dessus. Attendez, je vous passe pour mon manager. Voilà, il va parler. Vas-y. Bernie, les dates, Bernie. Bernie, les dates. Bernie, Bernie, Bernie. Les dates, Bernie. Les dates. Allez, comment tu dis Vaillé? Vaillé sur Audre. D'accord. Le 2 août. C'est le 2 août. Après, continuons. Vas-y. Vas-y, continue, Bernie. Le 22 août à Charnisay dans le 37. Le 29 août à Namur, Festival Solidarité avec IAM. Le 6 septembre, Festival Facici à Mouilleron, près de La Roche-sur-Yon. Et le 17 octobre, salle de Sirocco au Havre. Bravo. Merci, Bernie. Bravo. Bravo. Franchement, 10 sur 10. Tu viendras nous redonner les dates demain. Pour la dernière du Magic System, avant de se quitter, tiens, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre Black M et Big Flo et Oli aux arènes de Bayonne. Plus tes 3 places de ciné, les profs 2. Siam de Marseille, comment ça va? Siam? Oui, allô? Comment ça va? Oui, ça va et vous? Eh bien, bien, tout se passe bien à Marseille, t'es en vacances? Non, pas vacances, pas encore. Non, pas encore, ce sera quand pour toi, Siam? Ben, moi, tout, le 17 août. Ah oui, c'est loin, oh là là, c'est loin, ma petite Siam. Ouais. Heureusement, il y a son Skyrock et pour te détendre aussi la roulette, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. La roulette qui va s'arrêter, Siam, pour toi, sur la case, c'est... 23 et 24 juillet, tu seras à Bayonne, aux arènes de Bayonne, pour les concerts d'abord dans l'ordre de Big Flo Oli et de Black M le lendemain, c'est pour toi. Allez, ok, merci beaucoup. Place pour les profs aussi. Trois places pour aller ciné voir les profs de. Oui, vas-y, on t'écoute, Siam. Alors, une dédicace à mon patron Jamel et à mon magasin Just One. C'est quoi le magasin? Just One, prêt à porter des vêtements. D'accord. À Camille Pelletan. Et bah, si vous allez là-bas, vous verrez Siam, elle a un grand sourire, elle est toute contente. Bah oui, c'est normal. Rendez-vous dès demain dans le magasin. Et une grosse dédicace à ma copine Linda. Et voilà. Et à mes parents, et bon ramadan tout le monde. Et puis bonne fin de ramadan à tout le monde. Merci à toi Siam, on te fait un bisou. Merci au Magic System. Merci. Les gars, vous revenez demain pour la dernière? Demain pour la dernière. Et puis encore un coucou à tous ceux qui nous écoutent depuis l'Afrique. Eh ouais, gros coucou à tous ceux qui nous écoutent en Afrique. Et Radio Africa est dans les bacs. Passez une bonne soirée. On va retrouver D-Fool maintenant, les meilleurs moments de la saison. C'est tout de suite. C'est tout de suite après le son de Nekfeu. On verra maintenant sur Skyrock et D-Fool juste après sur Skyrock.